approchez, le spectacle va bientôt commencer. Salut les affreux, salut les affreux, bienvenue sur Radio Web Passion, il est 18h, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de Hot Rus, 2 heures de pur son 70s en compagnie de Jackal jusqu'à 20h. On attache sa ceinture, on passe la première, on accélère. Amis, entends-tu dans les faubourgs le peuple gronder? Entends-tu leur douleur s'exprimer au nom de la liberté? Amis, entends-tu monter la clameur dans les cités? Entends-tu la foule qui, le doigt levé, scande l'égalité? Amis, entends-tu dans la rue la marche des révoltés? Entends-tu la colère des oubliés appelant la fraternité? Liberté, égalité, fraternité, 3 mots dans le marbre gravé. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots si faciles à bafouer. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots sur notre peau tatoués. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots à ne jamais oublier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 72e épisode de Hot Rods. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet et nous allons célébrer ça comme il se doit. Je vous ai préparé un véritable feu d'artifice sonore aux accents rock français, un spécial chanson engagée contestataire, des chansons de révoltés, mais pas que. Alors, camarade, réveille le côté révolutionnaire qui sommeille en toi. Vive l'anarchie, hasta la révolution, notre peuple vaincra. Motivé, motivé, motivé, soyons la terre promise à coups de pioche et d'espérance. Pour me trouver au fond des mines que l'amertume et le silence. Visage noirci par le charbon se dessine en coulée grise. Les coups de pioche du capital, la facture se paye en cadavre. Pour l'abondance de la nation, fille de l'église, infanticide. La patrie sacrifie ses fils qui meurent dans la sueur et les larmes. Pour s'entasser dans des tranchées, sortis de la mine pour l'armée. Au son des canons se déversent des corps de viande à patron, de l'usine aux champs de bataille. La facture se paye en cadavre pour la puissance de la nation. Et de la grande guerre à la grande crise, c'est la même marée de misère qui porte les peuples engelis vers des rivages de sueur et de larmes. Qui nous mate l'histoire des guerriers puis des rapes, à creuser les lits du fascisme. On laisse couler les marées brunes. Donné, voilà, spécial 14 juillet ce soir, Serge Gainsbourg aux armes, etc., suivi de Motivé avec le chant des partisans, et à l'instant Troïka, de la sueur et des larmes. Allez, on continue toujours sur la même lancée avec Julia, suite à l'ivresse, et ce sera suivi de 16 solutions. C'est le premier. jamais été fort, ni jamais possédé. Trop de pays dans l'union, trop d'union monétaire, trop d'inégalités, trop d'argent, trop de banques, trop de guerres pour la paix, trop d'enfants qui crèvent, trop d'impérialisme, trop de capitalisme, trop de libéralisme, mais sans libération, nous ne voulons plus de vos solutions. C'est une autre époque maintenant, une même chanson, Camarade bourgeois, la version originale chanté par Renaud, et le cover, chanté par If Renaud Was a Punk. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi. Ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi. Ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi. Ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi. Ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu passes ton temps au drugstore sur les Champs-Élysées, tu te crois très très fort, t'es jamais qu'un minet, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi. Ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, rejoins les rangs de la pègre, tu prendras vraiment ton pied, ne sois plus une petite bête, nous sommes tous des défoncés, regarde-moi, ah, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi. Ah, ah, et toi le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, regarde-toi. Camarade, bourgeois, camarade, fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, regarde-toi. Moi je dis, on boude pas notre plaisir, on s'en met un petit deuxième, juste comme ça, pour la route. Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, il a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Ces matraqueurs assermentés qui vignolèrent leurs besognes. La France est un pays de flics. À tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cet immonde amusement. Mais il s'oublie la guillotine, en France aussi ça paie encore. MD sous le signe de l'Hexagone. On peut pas dire ça s'abandonne. Et le roi des cons sur son trône. J'parie les vagues qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, la télé dans les journaux, de pas se découvrir la ville, que le printemps se déboule bientôt. Les dépressifs du 16e siècle et les dégradations de vie, ils les appuient tous à la lettre, ils font pitié à ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. J'me souviens tout doux de ces moutons, effrayés par la liberté, d'un allant voter le pavillon pour l'honneur de la sécurité. Ils commémorent au mois de juin, débarquement de Normandie, ils passent au bras soldaricain, qu'elle dû se faire de l'Algérie. Ils ouvrirent qu'à la million, les Français criaient libertaire. Ils étaient bien tant qu'il y a long, y'avait pas beaucoup de chamouleurs. Même les soucis de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dis pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet, partout d'une de révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent des meufs populaires, de l'artifice et de confort. Ils passent oubliés dans la bière, ils sont ouverts les par des cons. On va douter la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vivre les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les places. Les valeurs uniques en présence, abîmer tous les paysages. Quand en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la grande rêve, à Santiago comme à Paris. Mais les soucis de l'Hexagone, c'est vraiment pas ici les pires. Et le roi des cons sur son trône, il est gavard, ça j'en suis sûr. En octobre et le vin ferme en Santolon. Ils sont très fiers d'un vignoble, leur coturon et leur bordeaux. Ils explorent le centre de la terre, un peu partout à l'étranger. La finale est leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarrer. En novembre, au salon d'auto, ils vont admirer et patiner les mêmes modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, c'est l'opium du peuple de France. Le supplie, mais c'est le tuer, c'est du gros de la coupe du monde. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y'a de la joie dans les ghettos, y'a de la joie. La guerre peut s'arrêter, tourner, ils rattrapent à leur réveillon. Pas couvrir tous les voir crever, étouffer de l'œil dans marron. Et des soucis de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Et si droit les compères de son trône. Eh ouais, eh ouais. Il y aurait 60 millions de prétendants. Hollande, Sarkozy, Le Pen, roi des cons. Je regarde la nation, révolution, république, berceau de la contestation, perdre son âme. Des larmes plein les yeux, brûler les bases à petit feu. Arme absolue, guillotine de nos élus. Démocratie de fer, en fond. invisible, telle une bête de corrida, gladiateur d'autrefois. Et pourtant moi j'y croyais un peu. Tu lui chantes plein les yeux. Et pourtant moi j'y croyais un peu. Ce sera noir sur bleu. Américaine, le culte du crime, l'amour de la haine, la défense par la violence, par les armes illicaux, plutôt que les idées, les actes, les mots. Oui messieurs, si nos mots restent stériles, sans réponse à la fois vain, c'est inutile. Toujours risé, bafoué, moqué, ne craignez-vous pas qu'on finisse par tout casser. À toujours vouloir nous écraser, à toujours vouloir nous humilier. Encercler le mouvement, contrôler méthodiquement, peindre la cage de notre rage. Briser nos rêves et revendications, étouffer nos actes et mobilisations. Vous attisez la haine, l'envie de faire front. Jusqu'où doit-on aller, je vous prends l'engagement. La haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la rage dans les yeux. Nous avons la haine, la rage. Ça, vous avez tous reconnu, il s'agit du dernier Tad Daggett Jones. Nous avons la rage, cet extrait de leur dernier album à feu et à sang qui est paru fin 2020. Elle me dit que tout va mal, c'est la vie, c'est pas tous les jours rose. Elle me dit c'est viscéral, je n'arrive plus à croire, avaler quelque chose. Elle me dit que tout la lasse et j'en passe, j'arrive plus à faire face, il faudrait que je le dépasse. Je ne vais plus me voiler la face, je sais bien que les temps sont durs. À celles qui n'ont plus, on murmure. C'est par la porte qu'il faut sortir, même si l'histoire semble réfléchir. Tout s'emporte et se délire, c'est l'atmosphère, obligé de sourire. Il faut mettre ses mains sur sa bouche et ses yeux, et se dire que tout va pour le mieux. C'est pas dire. Pour un seul instant je m'en fondrai, de dire que tout va pour le mieux. Pas un seul instant j'ai imaginé. Elle me dit j'ai plus envie, l'amour m'a joué bien des tours. Je n'aime plus tant ici l'amour, ça ne fait plus rien mais je ne lui ai pas dit. Je me fais de plus en plus mal, je me torture mon esprit. C'est la spirale sans le moral, elle avale tout, c'est infernal. Mais bien sûr comme on dit, c'est normal, c'était fatal. Il faudrait se faire croire que c'est sans ce souci, et se dire que tout va pour le mieux, c'est pas pire. Un instant je m'en fondrai, de dire que tout va pour le mieux. Pas un seul instant j'ai imaginé. Pas un seul instant. Mmh. dans le malheur des mondes. Double virago, tout va pour le mieux et je. Et on continue dans l'ambiance avec Escalator, le prochain à crever. C'est le titre, hein, évidemment. Il habitait un peu plus haut et menait d'une part des rêves que tu as vécu. Une fille qui passe et qui passe et qui passe inaperçue. T'as besoin d'être fort pour savoir qu'essayer, c'est déjà arrivé. Pas besoin d'être fort, mais il faut se jeter. Il faut pouvoir oser. Mais qu'attends-tu enfin? Qu'on te donne le sein, qu'on te prenne par la main. Pourquoi n'essaies-tu pas? Pourquoi n'essaies-tu pas? Si tu n'essaies encore une fois. Pourquoi n'essaies-tu pas? Pourquoi n'essaies-tu pas? Si tu n'essaies n'essaies-tu pas de naître rien qu'une fois, toi. Une ville, un pays et toujours le même homme, la même bête de somme. Et toujours ce ciel gris qui fait rêver les mômes, qui tord le cou aux hommes. Pas besoin d'être fort, mais il faut soulever et il faut supporter. Pas besoin d'être mort pour vouloir essayer. Aujourd'hui, fais demain, prends ce dont tu as besoin. Pourquoi n'essaies-tu pas? Pourquoi n'essaies-tu pas? Tu n'essaies encore une fois. Pourquoi n'essaies-tu pas? Pourquoi n'essaies-tu pas? Si tu n'essaies encore une fois. N'essaies-tu pas? N'essaies-tu pas? N'essaie-tu pas, le maître, rien qu'une fois, toi. N'essaie-tu pas, n'essaie-tu pas, le maître, rien qu'une fois, toi. N'essaie-tu pas, n'essaie-tu pas, le maître, rien qu'une fois, toi. Lance-toi, lance-toi, hey, maître, rien qu'une fois, toi. Lance-toi, hey, lance-toi. Un incontournable du rock français. Téléphone sur l'album Au cœur de la nuit. Pourquoi n'essaies-tu pas? On prend la direction de la Bretagne où, paraît-il, il existe encore un petit village d'irréductibles qui résiste à l'invasion. Voici Merzine, les amis, accompagnés de Kemar de No One Is Innocent. Nomade sur les ondes de Radio Passion. Rien n'est dit. masque décomplexé, la tête pleine de fumier, qui cherche à orienter des haines comme d'anciennes guerres de religion, détourner l'attention à qui profite la manipulation. Il paraît qu'il nous reste une idée de la justice. Si seulement nous étions d'accord sur la notice. Évidemment, quand ils confondent immigration, occupation, il reste des efforts à faire, compréhension, éducation. Faut-il descendre des singes pour s'activer les méninges et resolidariser l'effet que ça nous fait. Tout le monde a la licence pour exprimer sa défiance. On rêve ensemble de murs qui tremblent. Tant que à l'instant, Sidi Larsen, Des Milliards. Vous écoutez Hot Rods, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et ce soir, nous célébrons le 14 juillet. Chacun devient le roi de la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Dieu. aujourd'hui je jure que rien ne se passe toujours par peu. s'étrangle, que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front. La faune et la flore à grands rayons. Et l'éclat de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Non comme un oui aux arbres chevelus. À tout ce qui nous lie, quand la nuit remue, aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves, et quand le peuple rêve, à tout moment la rue peut aussi dire. Et si quelques points noirs en col blanc poivre nos yeux, dont les occultes en tubes longs et creux, à bien compter le monde éthique se voit plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment elle peut aussi dire non. Comment oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie, quand la nuit remue aux astres et aux déesses. S'étrangle, que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Comme une évidence, Noir Désir, un jour en France, Luc quelque part en France, et à l'instant Eiffel, à tout moment la rue. Allez, on va aller faire un petit tour au pays du rock local et artisanal. On s'écoute tout d'abord Barricade avec Les Élites, et juste après, No More Back ou Aux Armes Citoyens. Sur toi depuis l'enfance, l'école privée, les scouts de France, elles ont appris l'hypocrisie, la trahison, le mépris des petits. Elles ont compris que pour arriver, faut écraser les autres, être le premier. Qu'y a pas l'ami, pas de partenaire, que les ennemis, les adversaires, les suivi des études très chères, peuvent pas se payer les prolétaires, HEC, l'ENA ou Sciences Po. commencé à tisser des réseaux. Tout ça leur servira plus tard dans leur réunion en costard. Quand ils auront atteint les sommets, seront prêts à nous diriger. Les élites, les élites, les élites, les élites. Maintenant ils sont patrons de presse, directeur de banque roi du business, secrétaire d'état assistant, marchand d'armes, voyou en col blanc, n'ont qu'un seul but dans l'existence, massacrer ceux qui n'ont pas eu de chance. Ils jouissent quand t'es dans la mélasse, ils ont gagné la guerre des classes. Les élites, résistera aux troupes du roi. Paris a fait tomber la Bastille. We'll be right back. Écoute! Écoutez! Nous voulons que le roi quitte Versailles! Et que sa cour infâme! Nous voulons du blé! Du pain! Et des droits! Nous voulons que le roi quitte Versailles! À Paris! Dans nos murs! La liberté nous donnera du pain et des ailes! Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme. Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme. Hier piétiner la cocarde, demain la mitraille. Nous allons à Versailles chercher notre roi. Nous allons à Versailles chercher notre roi. Nous voulons du blé, du pain et des droits. Superbus No School Today, et ce sera le seul et unique titre en anglais ce soir. Allez, on poursuit tout de suite. C'est le 14 juillet, c'est feu d'artifice sonore, c'est spécial rock français. C'est un infâme complot qui garde les cartes dans son dos. La domination, c'est sûrement ça de vrais mots. On se bat pour des idées, on se bat pour la corruption. Elle est faite pour les vachos. Message de liberté qui a pour but de réveiller. Allez. La population endormie. La politique s'en fait nommer la corruption. D'abord. Tout le monde en fout pas de confiance dans la nation. Et... et te trouve pas de moi. La plus belle des arnaques a déjà pris sa tête. Et ça suivra pas. Quand on voit tous les beaux blancs. On a compris maintenant la guerre est déclarée. La liberté forcée n'est même plus autorisée. On peut même pas fumer sans tapette dans un verre emmerdé. On a vraiment plus besoin de ça. Et te trouve pas de moi. La plus belle des arnaques a déjà pris sa tête. Et ça suivra pas. Quand on voit tous les beaux blancs. À l'extrême, elle marche à droite au centre, à l'égard les vannes, elle fait les rouges, jamais le bon choix tu n'auras. Et te fous pas de moi. La plus belle des arnaques a déjà pris sa claque. Et ça suivra pas. Quand on voit tous les beaux blancs. Si on bouge pas, on sait très bien qui va gagner. Mais la solution, je peux pourtant la donner. C'est pas une guerre de 100 millions qui pourra s'arrêter. C'est dans le monde qu'il faut chercher la clé. Et te fous pas de moi. La plus belle des arnaques a déjà pris sa claque. Et ça suivra pas. Quand on voit tous les beaux blancs. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça va, Christian, et toi? Bah, comme un jour de manif, hein. Eh ouais, en plus. Ça n'arrête pas en ce moment. Bon, allez, on met les casques. Oh là, il y a du monde aujourd'hui. Bah, ils sont combien? Je sais pas, j'ai pas compté. D'après le chef, ils sont moins. Bah là, ils sont plus, hein. On serait pas en infériorité numérique. Je sais pas, j'ai pas compté. D'après le chef, on est plus. Bah alors, on est moins. Ça va chamailler aujourd'hui. Allez, on prend place mal. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, tant qu'il est encore temps. Ceux que vous nommez feignants sont là sous vos fenêtres, venus vous la transmettre. Pourquoi toussez-vous tant? Après avertissements multiples et répétés, votre comportement, monsieur, n'a pas changé. Sans aucun préavis, il est temps maintenant que vous soyez notifié votre licenciement. Les feignants sont dans la rue. On est là, on est là. La, la, la, la, la. Les feignants sont dans la rue. Les feignants, les feignants, les feignants sont dans la rue. Les feignants, les feignants, les feignants sont dans la rue. Se faire traiter de feignant par un seigneur qui n'a jamais sué une seule goutte au labeur, ce serait comme se faire qualifier de cynique par le premier méprisant de la République. Français. Nous voilà rassemblés à l'heure de la sieste, ce n'est surtout pas pour faire l'éloge de la paresse, mais que nous sommes venus fêter, c'est évident, la retraite anticipée du président. Les feignants sont dans la rue. On est là, on est là. La, la, la, la, la. Les feignants sont dans la rue. Les feignants, les feignants, les feignants. garçons dans la rue. Les feignants, hey les feignants, hey les feignants sont dans la rue. À 12h, un gauchiste lambda âgé d'une douzaine d'années. L'individu est armé d'une pancarte complotiste à l'encontre des valeurs de la République, de l'État de droit de justice. Qu'est-ce que je fais, Christian, je gagne? Affirmatif, homo. Christian, à midi, une petite vieille, âgée d'un certain âge. Allez, mamie, faut pas rester là, à votre âge, c'est dangereux. Bah oui, ça brûle de blanc et de blanc ici, mamie. Hein? Vous manifestez aussi? À votre âge? Qu'est-ce que je fais, Christian, je gagne? Affirmatif, homo. Privatiser nos vies, troquer notre existence pour un point de croissance, nous disons non merci. Et monsieur, votre guerre entière et financière, nous ne voulons pas la faire, elle n'est pas notre affaire. Nous continuerons à peupler les rues de France, des villes et des campagnes de Bretagne en Provence. Et nous dirons aux gens, refusez d'obéir, refusez de trimer à en mourir pour la gloire de l'Empire. On va aller changer. Les feignants sont dans la rue. On est là. Les feignants sont dans la rue. Les feignants sont dans la rue. Les feignants sont dans la rue. Christian, j'ai un gauchiste lambda qui a pas son attestation, qu'est-ce que je fais? 135 euros d'amende. Il porte pas de masque. 135 euros d'amende. J'en ai un qui porte un masque, question. Porte un minibal, 135 euros d'amende. J'en ai une en blouse blanche. 135 euros. En mode avocat. 135 euros. En uniforme de pompier. 135. En burkini. 135. En gilet jaune. 135. J'ai un cheminot. 135. J'ai un barbu. 135. J'ai un chevelu. 135 euros. Les feignants sont dans la rue. Là, j'en ai un en uniforme bleu marine. Momo. Excuse, Christian. Les feignants sont dans la rue, ça s'est signé HK et les Saltimbanques. Et juste avant, c'était Le Bon Choix, interprété par Outrage. Et il nous reste une petite demi-heure ensemble que nous allons passer dans les années 70 avec Rock'n'Roller, Rock dans la rue, suivi de Stop avec Baston, et pour terminer la série, du rock avec Pognon, Pognon. La résistance s'installe pour tenir la Sorbonne. Crac! Les affiches sur les murs, les beaux-arts sont dans la rue. L'ORTF bouclé ne s'en remettra plus. Insurrection, on parle pouvoir, mais où donc est-il? Juste au bout du fusil, de quel bout s'agit-il? Crac! Balayant les trottoirs, Paris, Marseille, on l'île Bordeaux, partout même combat. Tout autour des faubourgs, plein de nombre d'un Guevara. Crac! Dans la rue. Le jour où la France aura des représentants perpétuels et point de roi sera le dernier jour de la liberté. Tout pouvoir finit presque toujours par corrompre les hommes. L'usage de l'autorité engendre l'ambition de l'autorité. L'histoire de toutes les révolutions vous présente des êtres de pouvoir qui finissent par exercer le plus terrible de tous les despotismes, celui qui porte le costume de la liberté. Quand il y a dans un état un corps qui dit « je veux », il faut un autre corps qui puisse dire « je ne veux pas ». Et s'il y a réunion de pouvoir dans un seul corps, il y a despotisme. C'est pourquoi nous avons besoin et d'un roi et d'une assemblée élue pour que l'État soit assis sur ses deux jambes, debout, en équilibre. La nation grandira. Alors 370 voix pour la mort immédiate de Louis. 319 pour le bannissement. Je déclare, au nom de la Convention, que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la mort. La nation ! Discours soporifique sur tous les modèles standards. Poignée main de série en version cyber de l'acte. Avec l'option girouette conduite à gauche et à droite. Garantie anti-corruption facultative. Et jusqu'au mois de mars, la farandole est gratuite. Votez pour moi, élisez-moi. Votez pour moi. Sur tous les types de la marque. Consommation 3 scandales par litre d'un essence. Avec renfort latéral dans l'inconscience. Garantie anti-corruption facultative. Et jusqu'au mois de mars, la farandole est gratuite. Votez pour moi, élisez-moi. Votez pour moi, élisez ses pouvoirs. Votez pour moi, élisez-moi. Votez pour moi, l'Élysée c'est pour moi. Rock'n'roller, rock dans la rue, stop, baston, boxeur, votez pour moi, et à l'instant du rock, pognon, juste avant de plier les gaules, on se remet un petit 16 de derrière les fagots, histoire de clore en beauté le chapitre révolutionnaire. On va écouter Peuple manifestant. J'ai lu ton tweet, mon camarade, suppos des multinationales. Putain, mon vieux, t'es mal tombé. Tu m'en veux pas, je vais pas tweeter. C'est bien tenté, bien essayé. Avec tes potes collaborants, ou d'essayer de faire passer pour des fous les indépendants. Je suis du peuple travailleur, je suis pas du showbiz à quatre pattes. Avec moi, les fils du labeur, ceux qui font pousser des tomates. Ceux qui en ont marre de se faire baiser par les rois de l'intermédiaire. Par tous ces gens-là qui nous créent sur autour d'eux que la misère. Merci bien, mon monsieur, mais non, merci, toi mon bon maître. Fais attention, les miséreux, un jour pourraient couper des têtes. À force de faire pisser les yeux de mon populaire, ouais t'en veux. Alors mon vieux, je vais t'en donner de quoi parler dans tes papiers. T'as lu la presse, puisqu'il paraît, on parle de moi dans les torchons. Des foires à bobo pour camer, qui vient paver son petit rebond. Pour avoir son petit truc à dire, pour mentir aux populations. Ou bien sûr avec les sourires, du temps des collaborations. À écouter les journalismes, tous les avocats des notables. Les concessionnaires du fascisme, ça y a du fric de sous la table. Ah ouais c'est sûr, y a du média pour aller défendre pognon. Tu sais tous ces gens-là qui paient, publicité dans les torchons. Moi je resterai point levé du peuple des indépendants. Moi j'y peux rien si je suis né du peuple des manifestants. Faut boycotter collaborants, puis faut protéger nos cultures. Puisqu'ils viennent violer nos champs, piétiner nos littératures. Puisque mon cœur est compagnon de ces gens-là le point levé. Toujours en moi l'insoumission contre les maîtres des progrès. Je resterai le paysan sur les tablés, sur le papier. Contre les macros du pognon, contre les rois des enculés. La société t'es pas contente quand on te traite de vieille salope. Tu trouves vulgaire les mots d'en bas. Attends vas-y je m'allume une clope. Je vais te raconter un peu d'ici la gueule que t'as pour la misère. Tous les quotidiens du cercueil à la fin du mois qui galère. Agriculteur prêt au suicide, instituteur en dépression. Toujours pour nourrir les avides du grand culte consommation. Et tu expé les mains dans la suie pour t'éviter les rébellions. Faudrait pas trop que les ordures remontent trop au nez du pognon. Peuple de collège, de lycée, laissé au porno et au joint. Ouais mais t'as raison société, fallait mieux enlever le latin. Ouais puis surtout dans cette époque où chacun cherche une origine, pour mieux réformer l'orthographe, oublier le gréco-latine. Ben ouais la Grèce, ma société, tu sais le berceau des cultures. Le pays d'où viennent tes musées, puis d'où vient ta littérature. Non toi tu préfères la saigner pour enrichir sur les banquières. Non toi tu paries sur des dettes pour mieux saigner les ouvrières. Non sont mieux avec leur iPhone pour les éduquer à la thune. Les progénitures des misères de ceux qui feront jamais fortune. Ça licencie des ouvriers, ça fait des peuples de chômeurs. Qu'est-ce que t'en dis toi paysan? Qu'est-ce que t'en dis toi travailleur? Ça prend ça comme puis ça vous chie sur tous les champs de nos cultures. Sur y a du média pour vous dire qu'on n'est pas sur la dictature. Démocratie enfantée, ouais du fascisme consommant. Puisqu'ici il n'est de sacré, oui que la couleur de l'argent. Puis tu crois qu'il y aurait politique pour protéger les populaires? Non ils préfèrent faire des tweets pour divertir la ménagère. Pour eux la culture c'est sucer les petites ricaines stars de ciné. C'est pas pour le prix des tomates, c'est pas pour le cœur ouvrier. Dessinateurs assassinés, des salles de concert en charnier. Puis t'as qu'à voir un peu les feux d'artifice au 14 juillet. Mais ça va t'envoyer des bombes, ouais pour flinguer l'ami syrien. Quand y'a du pétrole faut que ça tombe sur des pays pauvres des gamins. Et continue les attentats, et continue la propagande pour les soupes opéra du soir. Puisque le peuple en redemande. Entre les pestes et choléras surprolifère la pourriture de ces tristes pays perdus qui pissent eux-mêmes sur leur culture, qui violent eux-mêmes ou leur histoire, puis qui vont te parler d'identité pour passer 2 ans dans la rue pour ou contre le mariage gay. Puis à Karim, ouais qui galère, tu sais juste pour se trouver un toit. Tu sais pour les délits de faciès, nous on attend toujours tes lois. Ouais je sais c'est dur à rentrer dans ton petit cerveau société, mais faudra bien que tu te foutes dans le crâne qu'Ahmed est un prénom français. Y'a pas à dire ma société, t'as raison t'es pas une salope, t'es une grande dame. Puis t'as raison, il vaut mieux interdire la clope. Continue comme ça mon pays, puis t'as qu'à voir de l'autre côté de la Manche ou bien de l'Atlantique, à quoi ils mènent tes progrès, du Brexit ou bien des ricains, l'humanisme à l'anglo-saxonne, ceux qui bombardent des pays pour vous vendre des téléphones. Ouais, mais le peuple, il est content, ouais, d'avoir vendu ses enfants contre un peu de calme au dîner. Et puis les singes aiment bien cliquer, peuple d'écolières, d'écoliers, putain qu'on a laissé violer par des peuples d'enculés sur de la Silicon Valley, ceux qui censurent les paires de seins pour mettre des guerres en direct. Ben ouais mon vieux, chez les mondains ça fait du blé quand tu te connectes, mais toi t'es pas collaborant, oh non, ouais toi t'es révolté. Quand le printemps viendra mon frère, on sait pour qui t'iras voter. Et puis les autres, les petits médias, raconter n'importe quoi, faudrait surtout pas remettre en cause, c'est sur le petit confort bourgeois qui pourrait, ouais, t'en inventer une vie pour écrire à ta place. Ah ouais mais non, ça c'est déjà plus difficile à mettre en place, paraît qu'il a pété les plombs, non mais ses chansons divulguées en MP3 les littéraires. Ouais ben alors, la belle affaire, y'a pas de quoi en chier une pendule. Puis t'as vu, il a dit salope, puis paraît même qu'en concert boit du whisky, fume des clopes. Mais ferme-la, quand on sait pas de quoi on parle, on ferme sa gueule. T'as cru qu'on était un troupeau ou bien qu'on était potes, ma gueule. Toi la cynico responsable, je crois ma vieille d'où on en est. Tu fous la honte à ton pays, tu l'as dit, relis tes papiers. Ces gens qui parlent sans savoir, qui préfèrent les concerts anglais, oh, c'est sûr, la propagande, préfèrent les chanteurs versaillais. Puis d'un petit ton condescendant, t'as pas honte, triste, vendu, d'aller défendre le pognon qui prend ta culture par le cul. Ah non, c'est vrai, c'est pas la tienne. Toi tu vends des publicités dans ton petit journal démago, puis les patrons faut les sucer. Non mais t'as rêvé ma salope, je crois que tu t'es gouré de trottoir. Je suis pas de celles qui vont tapiner pour aller vendre un accessoire. Rends-toi utile à quelque chose, tu renvoies-moi un exemplaire. Tu sais, ça me servira toujours pour me torcher les soirs de bière. C'est sûr, il y a ceux qui font des tweets, puis ceux qui font des littéraires. Allez, retourne sur Instagram pour mettre tes photos de soirée. Voilà 20 ans, putain, que ça dure, entre les radios, les télés, au gré des affiches de métro, des artisanats censurés. Société des consommations, aime pas les filles dans les caddies, mais sur M la prostitution, MP3 les poésies. Vas-y, remballe la marchandise, ouais, va te trouver d'autres putains. Et si ma petite entreprise connaît la crise, elle serre le poing. Et ouais, j'aime pas baisser mon froc, je sais mon vieux, c'est pas l'époque. Mais qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien, je suis difficile à mettre en club. Non, moi je fais pas dans le pathétique, des démocraties, des MacBooks. Moi je me torche avec ton tweet, puis ton communiqué Facebook. Sur son Insta, l'humanité à la gueule, t'es qui va être de chiottes. Société m'en veut pâtisser, j'aime pas trop baisser ma culotte. Les états d'urgence pour asseoir, ah ouais, c'est sûr, tous les pouvoirs. Des drapeaux, des peuples, oppression, toujours la sodomination. C'est l'évolution inversée, l'humain retourne chimpanzé. Peuple, télé-réalité, des prolongs, photos de soirée. Peuple, c'est sûr, pour sa retraite, toujours prêt à manifester. Pour aller sauver la planète, pour le climat en jet privé. Peuple, clodo sur les avenues, peuple, des comptes au Panama. Peuple, préfère rester coquet, peuple, préfère cliquer, je crois. Peuple, descend pas dans la rue, pour les chômeurs, pour les clodos. Le peuple vient donner son cul, son sa dansant le collabo. Des millions par milliers, allez applaudir des DJ. Des millions pour aller voter, toujours pour les mêmes enculés. Des millions pour gagner sa place, du pourriture dans les charniers. Des millions pour aller prêcher, des millions pour aller prier. Des millions dans des stades, pour voir un ballon rouler. Des millions c'est mort camarade, y'a que des millions qui font rêver. Des millions de pauvres, des millions de pauvres, des millions de pauvres. Peuple manifestant, vas-y ramène-moi l'échafaud. Des radios de merde à gogo, sur pour abreuver les ghettos. Peuple de blogueurs illettrés, peuple d'abrutis dépilés. Du cerveau, peuple tatoué, putain mon vieux c'est pas gagné. Peuple d'animateurs télé, y'a du people à l'Elysée. Peuple pauvre, peuple bourgeois, mais populaire retenez-moi. Et puisque tout ça finira un jour sur l'échafaud, je crois. À la merde qui fait la France, faudrait rétablir la potence. Des millions de pauvres, des millions de pauvres, des millions de pauvres. Ainsi se termine ce 72e épisode de Hot Rods. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. On va se quitter avec Jean Ferrat, Le bruit des bottes. Allez, bisous les amis, à la semaine prochaine.